La roue du moulin qu'entraîne le torrent tourne à vive allure sans que rien d'autre sinon la force qui s'écoule sans trêve de la montagne ne glisse sur elle. La scie, la grande scie émerge sous la pentille, immobile. Le vent décroît, il cesse de repousser les nuages. Tonnerre piaffe. Cela fait déjà un moment que tu es sur cette légère éminence à observer le village, cet amoncellement de couleurs qui semble déposé sur les grands troncs qui griffent le ciel. À cet endroit seulement, qui n'est que le dernier virage de la route, la vieille route vers le royaume éternel. Une route peu entretenue. Une route où le chien-dent voisine la fougère et où le contour s'estompe à mesure que les sabots de ton brave tonnerre t'ont rapproché du lieu. Le temps où le murmure s'est élevé jusqu'à toi était probablement encore enchâssé dans les frimas de l'hiver lorsque les premières voix ont retenti sous les arbres. Lorsque les habitants de ce village renoncèrent à parcourir leur sente forestière familière. Où conduis-tu, tonnerre ? Je conduis tonnerre dans un petit coin du village, l'attache un bout de bois que j'ai planté par terre. Enfin, planté dans le sol. Ton bâton de marche ? Non, pas un bâton de marche, un bâton, une sorte de gros. Une poutre qui a été délaissée. Tu l'attaches à une vieille poutre. Est-ce que a coutume de le récompenser pour son effort? Oui, je le récompense souvent. Tu prélèves un peu de mouron dans ta sacoche de sel? C'est ça. Il s'ébroue et tu sens sa grande langue râpeuse passer sur ta main lorsqu'il grignote sa récompense, puis il tire un peu sur sa longe, tenté par les hautes herbes qui foisonnent tout autour de la maison, une grande maison longue comme on les affectionne en cette région. Ce ne sont pas les petites maisons étroites de pierres sèches que l'on trouve chez toi. Ici, tout est de bois. Tout vient du bois. Après l'avoir récompensé et attaché pour éviter qu'il s'enfuit et se fasse soit attaquer, etc. As-tu senti des présences hostiles alentour ? Non, mais on n'est jamais sûr. Même un maître des esprits comme toi, Tobias, ne sentirais-tu pas frémir ta moustache à l'approche du loup ? Hein ? J'ai pas de moustache. Tu as rasé ta moustache avant d'arriver au village ? Je l'ai rasée à moitié. Avant, elle était très grande, maintenant elle est courte. Pourquoi tu fais cela ? Elle commençait à être gênante quand on mangeait. Quand je prenais de la soupe, ça trempait dans la soupe. Et c'est une moustache fine maintenant qui orne tes lèvres ? Oui. Le vent a décru à tel point qu'il ne souffle plus dans tes cheveux ni ne tire sur les restes de ta moustache, mais peut-être même que ce n'était que le fantôme de celle-ci qu'il tirait plus tôt dans la journée. Toi qui étais habitué à cette longue moustache tombante qu'affectionnent les cavaliers en tes terres, cette haute vallée montagneuse, loin, loin au sud. Un sud pas plus heureux, sous le soleil. Renonces-tu à attacher Tonnerre ? Quand je commence à l'attacher au pilier de bois, à la poutre. Tu sens que naturellement il s'éloigne, tire sur sa longe pour aller au-delà finalement, du mouron que tu lui as donné. Finalement, je retire l'attache Tu détaches les rênes de. Mais je tiens toujours les rênes. Tu les tiens dans ta main et tu te laisses guider par ton cheval. Il s'éloigne un moment. Tu l'observes alors qu'il broute l'herbe haute qui pousse tout autour de la maison. Seul un passage mène jusqu'à l'abri à bois. Et une autre coulée mène jusqu'au poulailler. En dehors de ça, les herbes ont monté très haut. Après, quand il a brouté quand même un petit moment, je l'appelle et je lui fais des signes de revenir. Tu avais ses rênes en main, m'as-tu dit, et tu te laisses guider par lui et il s'éloigne en direction. Dans la vague direction du torrent qui vient s'écouler le long de la pente, celui-là même qui entraîne la roue qui tourne à vide. Puis j'appelle Tonnerre et lui demande de venir. Il t'obéit et te rejoint en piaffant devant toi. As-tu coutume d'écouter ton cheval ou as-tu assis sur lui ton emprise d'homme, de cavalier, de pâtre des montagnes ? L'as-tu dressé ou est-ce ton compagnon ? Je l'ai dressé. Il cesse de piaffer rapidement. Tu l'attaches finalement là où tu l'avais. Non, je l'emmène vers le centre du village. Il m'approche de ce qui a l'air d'être le doyen, enfin le plus vieux du village. Il n'y a personne au dehors, alors que le temps est clair. Enfin, je m'approche de la maison commune du village. Il y a une grande maison bordée des greniers. Des uns et des autres, des greniers surélevés, de grands greniers où on doit serrer les récoltes de la belle saison. Tu n'entends autour de toi, en parcourant le village, que le caquettement des poules, des oies, qui vont librement sur la place, ou du moins autour de la grande maisonnée qui t'a attiré. Mais il n'y a nul bruit au-dedans, dans aucune des maisons que tu as longées. Tu n'as entendu les bruits familiers des travaux, ceux que tu as connus auparavant dans tes voyages. Le village semble déserté de tout habitant. Je toque à la maison commune pour voir s'ils ne sont pas cachés. Tu n'entends que l'écho te répondre, l'écho d'une maison vide, mais pourtant tu sens l'odeur de la soupe épaisse qui mijote sur le feu. Probablement que les habitants sont tous à leur tâche, loin de l'endroit où tu te tiens. Puis je dis à Tonnerre de m'emmener vers l'endroit où il allait tout à l'heure. Tu le suis plus que tu ne le guides, tu te laisses tirer par la longe. Il mène un bon pas et il s'arrête finalement pour brouter au haut de la pente, non loin de la roue qui ruisselle de l'eau du torrent, que l'on a fait rejaillir au moyen de conduites de bois, de grandes conduites de bois. Tu vois également un chemin de bois qui mène jusque au grand bâtiment qui sert à abriter les grumes des pluies. Il y a un grand atelier au sol couvert des traces de passage, mais aussi de poussière. Il y a plein de grandes toiles d'araignée qui courent un peu partout et les herbes sont bien hautes. Les grumes qui sommeillent sous la pentille sont gangrénés de langues de bœuf, de grands champignons blancs qui sont venus s'installer, et d'autres encore aux couleurs plus vives, du même bleu qu'affecte la grande maison commune. Il y a également des champignons oranges qui constellent les premières marches qui ont presque envahi celle-ci, des champignons à petits chapeaux et d'autres plus grands qui ont poussé. d'évidence sont depuis les fontes, depuis la débâcle qui a marqué la fin de cet hiver. On n'a pas utilisé le lieu. On n'est pas venu couper le bois à masser. Et au milieu des herbes est planté probablement qu'autrefois c'était une bannière orgueilleuse qui dominait le lieu. Un gonfalon portant les armoiries du royaume éternel. Le vent le secoue faiblement. Ses teintes d'ordinaire vives et qui donnent toute la gloire à ceux qui les portent semblent éteintes, défraîchies, usées par les pluies, le froid, les intempéries que le tissu a subi. Puis pour autant, même si personne ne semble avoir arraché l'étoile depuis un moment, le tissage étroit de toutes les araignées qui sont devenues les maîtresses du lieu. Les outils sont sagement rangés sur l'établi. La grande lame de la scie est en parfait état, elle n'est pas rouillée. Elle luit faiblement dans les dernières lueurs du soleil de fin d'après-midi. Le temps ici semble suspendu et là où les pas de tonnerre t'ont conduit de place en place, les stations que tu as opérées sont comme des instants saccadés. Il n'y a pas pour toi de solution de continuité, comme si le temps entre chaque déplacement avait été emporté par une bourrasque de ce vent qui n'a de cesse de chasser les nuages, de les drosser au loin et d'éloigner la pluie. Puis après qu'il ait brouté plutôt longtemps, je lui demande si lui pense sentir une odeur d'humanité, de vie, ses semblables, de vie dans ce village. Alors que tu lui demandes, tu avises au-delà de son encolure, en regardant vers l'oreille du bois, tu avises des silhouettes penchées dans un carré, des silhouettes vêtues de robes et de houppelandes qui s'échinent avec en main ou herminette à dégager un espace de culture. Puis j'ai fini ma phrase, je dis à Tonnerre de venir. De t'accompagner. Et je m'approche des silhouettes. tu quittes ce qui reste de la grandeur. C'est un peu un instant figé dans le flot du temps que tu abandonnes en quittant la Syrie. Je précise en commentaire méta que si je désigne une carte, c'est qu'elle se rapporte avec le lieu, un objet ou une personne que j'évoque. Donc là, j'ai évoqué le fait que tu quittais la Syrie. Cette précision faite, je ne la reformulerai plus. Tu as en mémoire les mécanismes du jeu que je t'ai exposé auparavant. Tu quittes cette capsule de temps qui est semblable à un instant figé d'éternité où gît ce gros moustique qui t'accompagne depuis des années, mais qui est là probablement depuis plus longtemps encore. Et lorsque tu quittes cette Syrie, tu quittes aussi la gloriole fanée au bout de la hampe de lance de ce gonfalon qui claque au vent et que personne ne contemple plus. Tu quittes les lames des cognées sagement rangées dans l'atelier. Les scies, toutes ces sortes de scies dont tu as eu parfois l'usage et d'autres que tu ne connais même pas. Tenaille, gouge, maillet, tout est rangé, ordonné, le long du mur, de l'établi. Et tout semble noyé de poussière et de toiles d'araignée, comme englué dans un passé à jamais enfui. Lorsque tu t'approches des silhouettes, à l'ouvrage, il faut presque que tu sois arrivé à hauteur de te joindre à elle, de marcher dans l'espace dégagé où gît une faux qui a permis de dégager cet espace. Faut presque que ta botte marche sur la faux pour qu'une tête se lève enfin et constate ta présence. Il n'y a que des femmes et de très jeunes gens qui sont à besogner la terre d'une façon absente, presque rageuse. Les mains sont crispées sur les hampes. Et c'est avec force, détermination, hargne que la lame de la binette vient arracher les racines entremêlées des fougères et des hautes herbes qui foisonnent sur la parcelle. Chacun soulève avec effort la lourde terre, toute parcourue de ces longues cordes qui parsèment en contrebas la grande tourbière. Mais c'est une terre noire, gorgée d'une eau qui n'a pas l'espace de respirer, de fuir, de gagner les nuages. Puis, quand la plupart m'ont remarqué, je leur demande où sont les autres. Un gamin de quelques 16 printemps se porte, si c'est lui le premier qui se tourne vers toi, et il se porte à ta hauteur, abandonne sans regret sa hampe et bonjour l'étranger. Vous savez où sont les autres du village ? Il avait un grand sourire qui éclairait son visage et sitôt qu'il entend que parvient en lui le point de ta question, tu vois son visage perdre en couleur, en vivacité, comme s'il refluait dans la terre sombre qui macule ses vêtements. Cette terre noire qui exhale une odeur forte, une odeur entêtante. Il est couvert de terre, c'est normal. Et il en a... C'est une terre qui s'accroche, qui colle aux sabots. En s'approchant de toi, il a charrié de gros monticules de terre autour de ses sabots que tu as plus deviné, que tu as entendu chointer dans la boue. À la guerre, messire, à la guerre. Ah. Il ne reste plus que nous. Les autres silhouettes se redressent, s'interrompent dans leurs tâches, dans leurs besognes, souffle douloureusement sous l'effort. Je récupère la faune qui était par terre et je commence à faucher les herbes, essayer de les aider. Alors chacun reprend sa tâche. Tu vois le jeune homme s'éloigner de toi, te regarder, hausser les épaules, ramasser comme à regret, titubant presque sur ses sabots, pour ramasser sa binette et soulever avec peine la terre. Grâce. Et j'ai aussi planté dans la terre un bâton de marche et attaché mon cheval tonnerre. Après avoir dégagé une bonne partie, je leur demande si je peux aider autrement. Oui. Sûr, monsieur. Et c'est à nouveau le jeune homme qui se porte vers toi. Il penche légèrement la tête, te regarde, des pieds à la tête. Tu as conservé ta redingote de lin. Où l'as-tu ôté pour... Je l'ai ôté pour éviter de la salir. Tu l'as posé sur le pommeau de ta selle. Mm. Et tu vois que son regard s'attarde sur la lame que t'a confiée ton ami. Il te tend l'herminette qu'il avait en main. Sûr, messire, vous pouvez tout autant que moi remuer la terre. Permettra de souffler. Et je vous dis, c'est un plaisir de vous aider. Vous venez d'où? Comme ça, messire? Vous êtes un homme à la tâche? Je viens. Vous allez de ferme en ferme, c'est ça? Je suis pâtre. Ah. Je viens de très loin. Vous avez croisé les armées du roi? J'ai croisé un ancien ami qui était soldat. Et il m'a remis cette dague. Qu'elle ne serve pas le roi. Puis je me mets à la tâche. Et je, avant de me mettre à la tâche, je dis mon nom est Tobias. Tobias. Et je me remets à la tâche. Ça me fait toujours drôle de dire mon nom. Ici, tout le monde le connaît. On m'appelle Fnouille. Peut-être parce que ça a un goût amer. Et il s'éloigne. Il a pris un outil, il l'ébranle contre le sol, un affleurement rocheux, dégage la gangue de boue et le place sur son épaule et s'éloigne vers le village. Et puis je dis, moi j'aime bien le fenouil. Après c'est un goût personnel. S'approche de toi et puis toute jeune fille, peut-être 7 ans. Sire, sire, oui. Faut pas faire attention, plus que son frère, il a quitté le village, il est tout tourneboulé, le fenouil. Sur l'épicéa le manque. Le comprends. Mais tous les grands qui sont partis se couvrir de gloire pour le haut roi nous manquent à tous. Moi j'ai un ami qui est revenu, mais je suis heureux qu'il est revenu. Il a perdu une jambe à la guerre. Oh bah, c'est triste à faire que de perdre sa jambe. Mais c'est quand même glorieux qu'il revienne. On n'est plus un vrai homme. Comment on va battre le hêtre? Comment on va battre le chêne? Comment on va coucher à bas le pain sans jambes? On l'a beaucoup aidé. Cette dague est le c'est le souvenir de la guerre qu'il a vécue. Il préférait pas la garder pour éviter ses mauvais souvenirs. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Bah oui. Quelques voix des temps anciens. Heureusement, on prie ici la déesse humide qui nous revienne tous, sans avoir perdu leurs ondes, comme votre ami. Hein? Je dis pas que votre ami est pas bien, mais moi je préférerais que le boulot et tous, ils s'en reviennent sains et saufs. Qu'ils reviennent parmi nous. Parce que depuis qu'ils sont plus là, c'est dur. C'est dur. Faut tout faire. Après, je lui dis de m'appeler Tobias et pas Sire. Une fille bien éduquée, elle dit Sire, hein, elle dit pas le nom, le vrai nom de la personne, parce que on sait pas qui va entendre ce nom. Hein. Il y a des choses étranges qui se passent par ces temps de guerre. Il y a des esprits sombres qui rôdent. Moi, ça fait peur quand la nuit tombe. Il vaut mieux rester serré comme le grain dans le grenier. D'accord. Il y a de la vermine qui rôde. Il n'est pas bon que le mauvais vent brosse votre nom vers quelque esprit obscur, hein? Et puis je me remets à la tâche. Et elle étreint une petite statuette de bois qu'elle a ôtée de son châle et... faire aux esprits du temps jadis et on place tous les travaux sous les auspices de la déesse humide. Et puis quand je coupe l'herbe, je trouve certaines j'en prends quelques-unes et on donne à Tonnerre. Tu lui apportes quelques herbes fraîches, tu retournes à terre un moment avec toutes les femmes du village qui sont assemblées. Il y a aussi quelques jeunes garçons, mais Fenouil est sans doute le plus âgé que tu aies vu. Manifestement, tous les hommes sont partis... Puis après avoir retourné une bonne partie, quand le temps se fait tard, je vais voir Fenouil et commencer à discuter avec lui. Non, mais tout le monde se rassemble, on propose en échange de ton ouvrage que tu partages la soupe du soir qui a cuit avec la vieille, celle qui a perdu l'oreille. Et qui reste à mitonner les plats pendant que les autres femmes sont au champ. Parce qu'il faut travailler la terre tant qu'elle peut encore porter en son sein les graines. Tu apprends ainsi en discutant avec eux que... dans les derniers frimas au premier frima de l'hiver, là où il est de coutume de commencer les travaux d'entretien, les hommes sont partis avec les recruteurs du haut roi, appelés à mener la guerre contre les étrangers qui menaçaient la frontière et la paix du royaume. Depuis, le village n'a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas de colporteur qui se porte sur les hauts. Aucun n'est venu jusqu'ici. Le village vit reclus depuis, vit sur ses réserves, et les femmes et les enfants mènent les tâches qu'appelle le printemps. on a renoncé, pas tout de suite, hein, mais on a renoncé graduellement à se risquer dans les bois. On y a vu des silhouettes sombres à la nuit tombée. Après les pluies, les fortes pluies qui ont marqué le temps de la débâcle, Brimbel, la première, très jeune fille, à peine plus âgée que Fenouil, aux yeux comme le ciel ici. Brimbel, qui vit un peu à l'écart des autres dans une petite maison qui fut autrefois un abri pour les pâtres. À son ton, sa diction, tu vois ressurgir quelque chose qui ne l'habitait pas. Tu les as vus tous absorbés dans leur tâche à arracher péniblement les herbes hautes qui ont poussé sur la pente pour gagner des terres où planter fenouil, topinambour, courge et autres semences. Tu les as vus silencieux à années sur les hampes de leur houe. De leur binette. Tu les as vus peiner dans ce silence de travail, pas de chant qui souligne l'effort. Juste l'épuisement, une condamnation prononcée. Et là, tu as vu ressurgir l'évocation faite par une dame plus âgée que d'autres, mais ce n'est pas la vieille qui sommeillait près de la soupe et qui ne t'a pas entendu tantôt frapper à la porte, non. Une autre. Une autre qui doit avoir 30 ou 40 ans, la peau alourdie par les ans, ravinée comme l'est le sol autour de l'atelier que tu as visité tantôt. Une peau qu'a déserté les sourires, tu as vu ses yeux se plisser d'un léger sourire lorsqu'elle a évoqué ce temps révolu où on allait courir le bois pour amasser le bon bois qui servirait au printemps revenu, lorsque les hommes reviendraient. Et tous et toutes, de fait, se pressaient sur les sentes, ne se ménageaient pas à la tâche. Et même elle, qui bagnaude plus volontiers, la brimbelle s'égarait sur les sentes et allait cueillir des champignons pour épaissir la soupe. Il y en a en tout temps dans cette forêt ombreuse. Il en est des bons, des bolets, des... Et il y a plein de baies au temps du printemps. Mais elle a fini par renoncer à ses cueillettes sur les mirabeliers. Et on a vu Brimbelle se joindre aux autres plus souvent qu'autrefois. Et toutes se sont assemblées autour des lébores. La dame qui la première a évoqué Brimbelle. Dans cette assemblée de femmes, chacune y va de son petit commentaire sur l'espoir qui s'est peu à peu éloigné de voir revenir avec le printemps les hommes partis au loin. Quand reverrai-je mon épicéa ? Ah, il me tarde de voir son dos solide peser sur sa cognée, charrier les bois. Depuis longtemps, on ne sent plus l'odeur des hommes ici. Que les vieilles femmes, comme moi, hein, brave homme, peut-être pourras-tu nous aider. Il y a des tâches qu'on peut accomplir, d'autres sont hors de notre portée. Nous avons renoncé à aller jusqu'au charbonnier dans les essarts au loin, car on y entend des voix. Puis après, quand elle a fini sa phrase, je lui demande s'il y a un endroit pour déposer des chevaux. Déposer des chevaux. Tu peux te servir de l'écurie qui est derrière notre Siri. Nous avions deux robustes percherons, mais ils sont partis avec les hommes pour transporter leur barda. J'ai mon cheval. Et il y a donc de la place pour le tien dans leur les stalles inoccupés. En revanche, il te faudra regarnir l'écurie. Nous n'avons pas fait provision de foin en suffisance. Je le ferai. Comptes-tu rester un moment avec nous ? Tant que vous en aurez besoin. Et tant que je peux vous aider. C'est une parole douce à entendre, mon gars.